Hey, hey, hey, hey, yo, yo, it's Black Star, you know, okay. System go up with the A-A-Z, man. Yeah, you know, I'm going to buy you, okay. System run my lot, it's like a new man, but it's a touch hard. It's all about success, for success, yo. Bleed on capacity, the system, all I can win, be bad, bad, bad, bad, bad, bad. Mad. Need to cap a set up the system. Dollar coming be bad. Two persistence cap a set the daughter. No cap in the mad. Ce monde avance toujours à deux vitesses. Les bataille à ceux qui sortent de l'autre, y'a ceux qui sortent toujours les belles promesses, yes. Ça fait bien longtemps qu'on a donné l'alerte. Le système manifeste, mais le diamant perd encore la tête, yes. En France, en ce moment, c'est période de stress. Ils veulent remplir les caisses, mais c'est le social qui régresse, yes. Ça peut la justice des chômeurs aux retraites. Mais c'est le temps qui compte, le bon moyen de porter plein ta gaine. C'est pli, tant qu'à passer et pli, système dans la cabine, pli. Bad. Trop la justice, ça fait que c'est le temps de nous qui est fini. Mad. Pli, tant qu'à passer et pli, système dans la cabine, pli. Bad. Trop la justice, ça fait que c'est le temps de nous qui est fini. Mad. Putain, c'est pas censé. Le système est pourri, y'a trop de frères agacés. Pas cette unité pour le changer. Pourtant, tout le monde remarque et voit bien ce qui se passe. Que les choses sont pas prêtes de changer. Les riches toujours plus riches et les pauvres toujours mal placés. Tout le monde m'a l'air d'être bien lassé. Mais ils veulent tous quoi, toi-même, tu sais se casser. Pli, tant qu'à passer et pli, système dans la cabine, pli. Bad. Trop insiste, ce qu'a fait que c'est le dos de nous qui est fini. Mad. Pli système dans la cabine, pli. Bad. Trop insiste, ce qu'a fait que c'est le dos de nous qui est fini. Mad. Yo, l'argent pour eux c'est vital. C'est pour ça que l'État est à pas pour le social. Le monde est une question de capital. Le rêve te fout à poil et que tu bosses toute ta vie. Alors prépare ton mental, man. Ou garde la foi pour ton sac et des tales, man. Le système est là et fera bien d'autres victimes. A toi de te battre, tu veux pas être la victime. Pense tes blessures et n'oublie pas de vivre clean. Fire Babylon Town, j'ai tanné sous un team. La team black and Mike Lavin, fire en rhythm. Coupez fire tout ça qui a disrespect the king. Fire burning.